abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Le hip hop sort de l'âme comme les chanteurs de gospel. Net, juste saisi pour ceux qui reconnaissent l'appel. J'suis pas ici pour te punir à coups de pelle, ni pour t'enrouler une. Alors baisse ta garde, toi qui tchatch à la chan ou à la lit. Oulala, reste secret, sinon tu es dead. Que ton dieu sauve ta flamme des dangers de l'infâme qui crépite dans le feu des armes. Devant moi un drame, dans mes yeux des larmes de haine. Je n'arrive toujours pas à capter le système. Mais sismix. Elle m'a reçu 5 sur 5, maniaque sur le track. Représente Slide, Born in Gas 13. Dina, Nuska, cartel dimension ouest dans ton karma. 5 maniaques qui te matent et te matraquent sur le track. Le HIP a chopé déjà trop de mauvais dans l'ouest. Là j'attaque. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Mon flow en ébullition coule comme une cascade de larmes. Plus puissant qu'une arme, j'ai la parole qui te verse une larme. La beauté de mes mots comme un tableau de Picasso. Un 700 chez moi pour y tremper son pinceau. Un mystique artistique élève l'esprit de ton cerveau. Comme un nuage sur terre que tu casserais comme mon ego. Pirate sur mon HIP, HOP, TRO, paye ton mauvais. Garde pas tes OC, puis ton magnum, puis cool, puis des boules. Avec ton Insta Q86 et ta grande cool. T'as tous ceux qui vont, mais montre-moi ce que tu vaux. Car sur scène faut donner, il suffit pas de se montrer. Si t'as que le style qu'il faut, je te conseille d'abandonner. Car nous, une fois de plus, à bosser pour te botter. T'inquiète pas, fils, ton cœur, je suis là pour te botter. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Abracadabra. Le cadet des docs annihile tes soucis. Tape sur play, site hallucine sur la set qui. Celle qui a été conçue en LA44. 97 annonce un fat taf en octobre. Sois sobre, conscient de ce que t'écoutes. Sinon change de chemin, déviation, change de route. Le hip hop est réservé au bad boy, pop au bourge boy qui oscille comme ça. Iron Maiden à Wooten Clang, règlement de compte dans les bacs des Fnac. Représente 5 maniaques sur le track, prêt pour la mamouche. Casse, crête, mousse, casse, investisse pour toi. Accro du chrome, chromé, brillant les CM58 pour cramer. Deux, c'est fauche l'avenue. Poche pleine, dame, les smocks, fais-toi la tête, le fake new school, ma tech avec le globule noir. Achète des drogues, toi, au globule noir. La secte en fake, pique les barbares, un scud de dollars, moi, va fuck. Comme nous esquive et boisse des blocs, censure pas mon expression glauque. Que je perce la cloque, des tonnes de tours m'appartiennent, des baraques. Je suis comme un mac allongé dans un hamac. Écoute ma troupe, passe tout de suite mon armée contre des attaques. Je reçois des fax, l'international, une vraie bête. Tu connais pas la fake, trifouille dans l'internet, mais t'éclates pas trop au rack ou dans ces salades. Mousquia, une fois de plus, articule et te shot. La balade, des bobas, du pipo, pas de rago. A raconter à tes paco, tes KO. Technique du globule noir, Mr. KGN. Ciao, ciao. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra. Ça tombe de partout. Métier de 15 coups. Fais ta chapage de poche, abracadabra.